Ok, donc on est là pour débriefer la première partie du scénario Le siège de Normand Ferrand, donc avec Sylvain Turienne. Ben déjà, première question, c'est comment ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vais commencer. Ouais. Moi, ça va. Voilà, scénario avec. Voilà, c'est la guerre, hein, le siège de Normand-Ferrand. Donc, il y a des pertes, y compris dans nos propres rangs. Donc, c'est toujours des événements tristes. J'y arrête peut-être tout à l'heure. Mais ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai hâte de la suite. En mode jusqu'à quand on perd, quoi. Et tu rien, comment ça va? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ouais, je pensais pas que mon perso pouvait continuer à dégringoler. Donc, ouais, ça me fait quand même quelque chose. Je me demandais à quel point je pourrais encore plus descendre. Ouais, c'est vrai que c'est toujours. Je sens que je vais perdre le perso de rien, mais à chaque fois, la logique du monde fait que C'est il n'y a peut-être pas pas trop très le temps de loin, quoi. souffler et de se remettre, qu'il y a déjà de nouveaux trucs qui lui tombent sur la gueule, Ouais, je sais pas jusqu'à quoi. quand ça. Je me dis que je commence à entrevoir cette caméra, j'ai peut-être la perdre, quoi. Bah déjà, c'est vrai qu'après, c'est peut-être pas irréversible, mais on a ce truc-là que suite à ton choc mental, tu t'es en plus mentalement séparé du groupe, quoi. T'es parti chez les Chez les miliciens. miliciens. La seule personne qui t'a suivi, la femme oiseau, bah en C'est pris fait, une flèche dans la tête. est morte, quoi. Et donc du coup, t'es la seule milicienne du groupe. Et puis ouais, c'est le truc. Après, bon, je pense que on verra ce qu'il en est, mais je pense que le petit épisode derrière les lignes ennemies, là, bah t'as quand même, je pense, rapproché de Erin. Ah, je pense pas. Ok. Oh. Alors moi je me suis dit, ah c'est bon, Ah. un petit coup Non, parce que je t'ai pas suspect balancé le fion que j'avais balancé dans les dents. Ah. et Mais ça arrivera peut-être au prochain épisode. Je me le note d'ailleurs parce que c'est un truc qui me donnait envie lorsqu'on était ensemble dans le tunnel pour aller dans les ennemis. Je dis, j'y balance maintenant, j'y balance pas maintenant. Je me le dis, je lui balancerai au retour. Là, vu la façon dont se configure le retour, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, Tu le notes. ouais, je me note que. Note pour plus tard, balancer un Un pion. fion. Alors, avant de passer à la suite, je vais très rapidement résumer la fiction. Du coup, Ah c'est oui. plutôt pour l'auditoire, quoi. Mais donc, on a joué vraiment juste le début hein, du scénario, le siège de Normand Ferrand. Parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de temps pour jouer. On a dû jouer 1 heure et demie, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça a été assez rapide, quoi. Grosso modo, donc, les écorcheurs ont commencé à assiéger la base ville. Toi, donc, Néné, t'as décidé de. Donc, avec l'homme qui rit à leur tête, toi, Néné, t'as décidé de faire incorporer chez les miliciens pour participer, en fait, à l'attaque, enfin, à la défense, quoi. À Et en. l'attaque, enfin, je me Ouais, comporte tout à comme une fait, à attaque. l'attaque, ouais. Et la femme oiseau, en fait, t'as rejoint un petit peu à ton insu, quoi. Elle a aussi rejoint les miliciens, tu t'en es rendu compte sur les remparts, quoi. Et donc, ensemble, vous avez réussi à tuer l'homme qui rit. Mais ça a coûté la vie, en fait. Voilà, La ça a femme coûté la oiseau. vie de la femme oiseau. De son côté, Erin a plutôt été du côté défense, on va dire, citoyenne, quoi. Donc, il n'était pas question de rejoindre les miliciens, quoi. Même si les miliciens réquisitionnaient des armes et tout. Donc, en fait, avec les moyens du bord, vous avez installé des pièges, vous avez fabriqué des armes improvisées, puisque les autres armes avaient été réquisitionnées, quoi. Et donc, quand une partie des écorcheurs a investi la base ville, bah, vous avez fait la défense de l'auberge des francs-tireurs où vous étiez. Vous avez été victorieux. Le problème, c'est que Magister, donc ton mentor, qui a pris part à la bataille comme un lion, s'est battu comme un lion, bah, il est passé, quoi. Clairement, il fait partie des victimes. Et donc, troisième étape de ce début de scénario, c'est que. Après, vous vous êtes rendu compte que les écorcheurs prévoyaient de catapulter des cadavres malades par-dessus les murs de la ville. Et donc, indépendamment, toi Néné, et puis toi Irine, avec les dissidents, un peu de façon indépendante, vous avez pris la même décision, qui était de passer derrière les lignes ennemies pour empêcher ça, quoi. Et une fois derrière les lignes ennemies, il y a eu pas mal d'impro, en fait. Et donc là, vous avez décidé finalement, plutôt que de brûler les cadavres, vous essayez de les balancer sur les écorcheurs pour semer la pagaille et tout. Pendant un premier temps, c'était plutôt efficace. Vous avez balancé 2-3 cadavres. Et puis, vous arriviez à... en fait, eux, ils vous tiraient dessus et tout, mais vous n'aviez pas de perte. Et en fait, seulement au bout d'un moment, en fait, il y a des goupilles et puis des sentinelles qui sont arrivées par les hautes herbes et qui ont capturé en fait Vivienne, quoi. Donc là, ah mais attends, si c'est un échec, bah en fait t'as été capturé aussi. Ah mais oui, t'avais dit que Tout si. à fait. Ah oui, t'as été capturé aussi. Ça vous va, désolé, c'est Ah un bah peu. oui. Non, non, tout à fait. Oui. En fait, vous avez décidé d'aller au dé pour empêcher Mais oui, Vivienne c'est de se vrai. faire capturer, quoi. Oui, Et c'est pas en cas seulement. C'est d'échec. pas sacrifice, c'est tout à fait Et sacrifié. en cas d'échec, tu te faisais capturer aussi. Donc ouais, ils ont aussi capturé, ils ont aussi Irène. capturé Erin, quoi. Bon, du coup, par rapport à comment je vais, Attends, et par rapport à ça ta change tout. question, Ça change non, mais tout. ça va bien, c'est juste plus compliqué. Voilà. La suite, ça va être sympa. Ok. Du coup, la question Et je me suis suivante. fait capturer par un goupil. Merde. Ouais, en plus, ouais. Ça Ça, va arranger ma. je pense qu'il va être trop content de pouvoir te torturer en personne. Il va pas laisser faire ça par un autre. Et oui, bon, du coup, la question suivante, c'est bah, c'était quoi votre. Bon, il n'y avait pas eu beaucoup de scènes, vu qu'on a joué sur 1 heure et demie, mais c'était quoi votre scène qui vous a le plus marqué, quoi? La réponse est évidente. Ouais. Ça dure 10 ans quand même. Alors dans un jeu de rôle grandeur nature, j'ai déjà eu à être un prisonnier. Sauf que là, du coup, c'était un enfant. Et j'avoue que, ouf. J'avoue, Par deux fois, je bute un prisonnier. Là, j'ose me tirer une balle dans la tête d'un goût. Pique, mais t'as pas entendu, toi, cette partie-là, c'était C'est aux toi là, toilettes, toi, qui s'est passé ça. Parce que grosso modo, alors c'est quand tu veux te faire recruter par les miliciens, ils font un test de Oui, loyauté, quoi. je l'avais vu. Et si tu dois abattre un prisonnier, sauf que toi, ton prisonnier, C'était un c'était un gosse. gamin, quoi. Voilà, là, ouais, Soi-disant pas c'était. innocent, quoi, mais bon, Ouais, disons que voilà. j'ai retenu ça pour me convaincre d'y aller, mais. Ouais, même si Néné, en effet, le moindre geste coupable va activer le fait de c'est une pourriture, il a ce qu'il mérite, c'est quand même raide, quoi. Bien sûr. Donc, en effet, c'est en ça que. Ouais, c'est ça qui marque un peu ta rupture avec le Encore groupe, quoi. plus, ouais. Déjà que c'était super tendu Ouais. et que j'ai fait, voilà, moi j'ai fait mes choix de mon côté. Et en effet, là, Néné ne parle plus. C'est une façon aussi de marquer la rupture émotionnelle aussi avec les autres. Bah, presque un peu avec d'un côté Avec. rupture avec l'humanité, parce qu'en C'est plus, ça. la dernière relation que tu avais, c'était avec la femme Femme oiseau, oiseau. et tu m'avais dit que c'était une relation qui était que tu pouvais maintenir parce qu'elle C'est n'était ça. pas humaine en fait, Ouais. en quelque sorte, quoi. Donc c'est intéressant, ouais. En fait, on a un personnage qui rompt avec l'humanité, quoi, à ce stade-là, quoi. En plus, tu dis quoi, tu ne parles plus et tout ça. Même, c'est vrai qu'il y a un peu. Bon, après, c'est justifié par la situation, mais même la scène de la catapulte, en fait, tu communiques avec les autres juste par signe de C'est guerre, il n'y a ça. pas trop de paroles échangées et tout. On est C'est. dans l'action et c'est pour ça. Bah, que Vivienne elle se soit fait prendre, bon, bah, ça fait chier parce que bah, c'est une action de groupe et qu'elle peut être réussie que parce qu'on est en groupe, quoi. Mais ça me touche pas, quoi. Ça me touche pas qu'Erin se soit fait prendre. Oui, bien sûr. Juste après, je demanderai Assassin à Sylvain, sans vous spoiler les mécanismes du scénario, mais il faut savoir que voilà, les actions que vous faites, elles ont un impact. Moi, j'ai une sorte de compte à tenir et tout. Donc, ce que vous faites a réellement un impact sur, au final, l'issue de la bataille, quoi. Exactement. Je ne vais pas vous dire dans le détail à quel stade vous êtes rendu et tout, parce que je pense que ce n'est pas immersif tellement, quoi. Mais il faut au moins que vous sachiez que vous pissez pas dans les vieux ronds, entre Ouais. guillemets, quand vous agissez, quoi. Oui, on lutte pas d'emblée vers quelque chose qui serait immuable Non, non, non, je pense que vos et personnages peuvent même le moche. sentir qu'ils ont que voilà, comme ils ont le cran de prendre les actions que d'autres n'ont pas le cran de faire, en fait, tout simplement, eh ben, ils ont un impact, quoi. C'est après, vous n'avez pas forcément la grosse image, mais vous savez que vous avez sans doute 100 fois plus d'impact que la plupart des habitants de Normont-Ferrand qui n'agissent pas à la même hauteur, quoi, entre guillemets, quoi. Et du coup, bah donc Sylvain, donc tu jouais Erin, ce serait quoi là, la scène qui t'a le plus marqué hein? Alors, c'est la scène de défense de l'auberge, non pas la mort de Magister, parce Puisqu'il meurt. que Magister, d'une part, effectivement, je croyais déjà l'avoir perdu lors du premier scénario, Ouais, où il avait été un peu brisé c'est par les ça, événements. donc j'ai dû faire sans lui pendant un certain temps, en tout cas Erin a dû faire sans lui, Mais il et avait remonté la pente au bout il d'un a moment. remonté la pente, mais Erin a dû faire sans lui. Et Bah t'as dû, ouais, c'est finalement, je pense, même peut-être même au bout d'un moment qu'il a fini par porter la pente, je pense que mentalement c'était plus ton mentor, c'est quoi. ça. Parce qu'il a il avait eu Et ce. le fait qu'il meure Ouais. là Ouais. dans aujourd'hui, je pense que le personnage d'Erin s'y attendait. Et que le lien qu'elle a avec le palais mental de ses ancêtres et l'ensemble de ses souvenirs, et le fait qu'elle ait récupéré l'ensemble des objets mémoriels de Magistère. Magister Ouais, tu le fait que traites. Ouais, c'est Magister n'est ça. pas mort, je le traite comme un de mes Ouais, ancêtres. c'est ça. Ouais, c'est intéressant d'en venir parler. Et Du coup, il y a une je relation qui va perdurer. suis triste, mais pas tellement. Alors je suis triste moi, Sylvain, parce que ça m'évoque la mort de gens proches. Plutôt récente, mais je suis triste effectivement d'avoir cette redondance de la mort, mais je suis triste, je suis pardon, heureux que Erin le traite de cette façon. Et Erin en fait est tellement positive que dans tout ce qu'elle fait, je trouve ça très rafraîchissant. Et donc en fait dans cette scène, ce que j'ai préféré, c'est la scène de galvanisation des dissidents. Par Erin, qui a dit de façon légale, là, on est un peu coincé, donc vous pouvez vous tailler comme des péteux et vous faire refouler Par les miliciens, par ouais, les c'est miliciens en essayant d'entrer dans votre ville et vous faire prendre entre le marteau et l'enclume ou vous battre. Et j'ai bien aimé cette scène, effectivement, de bagarre dans l'auberge. C'est celle que j'ai préférée, le fait que Kirin se fait capturer. Voilà, pour une fois qu'elle se barre pas et qu'elle n'arrive pas à esquiver tous les problèmes, bah, du coup, j'ai envie de dire, mais fais pour ta gueule, ma petite, on va voir ce qui t'arrive à la prochaine. Mais voilà, je la pense suffisamment forte, en tout cas, pour s'en sortir. Pour s'en sortir. Du coup, ma dernière question, ça va être Et je reviens là-dessus. Je ouais, pense vas-y, que ouais. tout Turienne, en tant que néné, est en train de s'éloigner de son humanité. Autant Erin n'en a jamais été aussi proche. C'est déjà un mouvement qu'on avait déjà aperçu lors des scénarios précédents. Je pense que ton personnage, il est en train de rompre. Et que le mien, qui ne fait pas attention au tien, parce que tu as définitivement décidé que Néné faisait la gueule, en tout cas qu'elle boudait dans son coin, ce qu'elle ne fait pas attention, Erin, et que mon personnage fait pas attention au tien, mais je pense qu'il y a effectivement ce double mouvement, en tout cas de l'un qui chute et l'autre qui monte vers l'humanité. Peut-être que Erin trouvera une espèce de compromis ou pas, ou redescendra dans son humanité, et peut-être que. Parce que si elle monte en métier, elle va peut-être avoir un mouvement d'empathie. Bah, après, en faisant là, vous êtes séparés. Donc, tu vas peut-être avoir un mouvement d'empathie vers Néné. Ouais, ma dernière question, je m'en fous de pas vous penser à vous avoir prévenu au tout début, mais c'est vrai que ce scénario-là, Siège de Montferrand, c'est sûrement. Après, je prends des risques en disant ça parce que ça pourrait être démenti par la suite, mais a Ouais. priori, je pense quand même que On n'a pas c'est fait le pire. scénario le plus dur, quoi. C'est vraiment, bah là c'est vraiment, on est sur une situation de guerre totale et tout. Et donc, c'est un scénario qui charcle vraiment beaucoup, quoi. Surtout si en plus vous allez quand même. Et si on monte au contact. Vous allez au contact, quoi. Hein. Ça se trouve, si vous étiez un peu plus planqué, ce Ça aurait serait. pas été pareil. Mais là, vous avez décidé de vous mettre en danger. Et du coup, forcément, les personnes qui vous accompagnent aussi sont en danger. Vous avez amené les personnes vers des. Donc voilà. Et du coup, comment vous projetez pour la suite de ce scénario et tout, sachant que ça va pas. Enfin, la suite du scénario va pas baisser en termes de danger de tout ça. Enfin, je pense que même vos personnages peuvent ressentir que là, c'était l'apéritif quoi en plus. Hein. Donc là, le conflit avec les écorcheurs, il est loin d'être réglé. Ça va s'intensifier, ça va escalader. Et du coup, comment vous vous projetez en fait pour la partie suivante, quoi, pour la fin du scénario? Alors, il y a comment moi je me projette et comment Erin se projette. Ouais, bah, les deux sont intéressants. Il y a comment moi je me projette à un moment donné. Il y a le fait qu'ils sont de moins en moins nombreux, là. Enfin, à quelques-uns, on n'est pas les seuls habitants de Noirmont-Ferrant. Et à quelques-uns, on a quand même mis des bâtons dans les roues. Ils ont perdu leur chef, ils ont perdu un certain nombre de motivation, ils ont perdu un certain moral. Donc, je me dis La que victoire est à portée de main, d'un quoi. point de vue, c'est ça, macro. Je suis désolé, mais ça joue au moral. Hein. Donc, le moral pour l'instant, il est dans notre camp. Ça, c'est mon point de vue de joueur. D'après Du point de vue du Erin, elle se fait personnage, prisonnière. alors, j'ai envie de dire, effectivement, ils vont. J'ai envie de voir, c'est de la curiosité en fait, enfin, c'est ma curiosité à moi, hein. J'ai envie de voir comment Erin va s'en sortir. Parce que là, on est arrivé à un point où je respecte ce qu'elle est devenue et je n'ai plus à m'habituer au personnage. Alors qu'il y a quelques scénarios encore de Tu as ça, cru un peu, ouais. j'avais à tester, Il y a un moment où tu étais effectivement, un peu en décalage avec c'est ton ça. perso et tout, Et du coup, là, ce qui n'est plus le cas. ouais. Tu t'es harmonisé avec elle. Ouais, c'est ça. Je me suis habitué en fait à qui elle était et du coup, ouais, je rentre dedans de manière assez confortable. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, j'ai envie de voir avec sa positive attitude. Alors qu'elle est captive, etc., Ah et oui, qu'elle là, ça va être va. mise à rude épreuve, sa positive C'est attitude. ça. Mais jusqu'où, effectivement, on va pouvoir tenir et comment est-ce qu'elle va pouvoir le faire? Et sinon, qu'est-ce qu'elle va devenir? Mais j'ai envie de pousser voilà, les potards un peu plus loin avec elle. Ouais, en tout cas, je suis curieux. Par contre, je pense que du point de vue d'Erin, elle va définitivement verser dans la haine génocidaire des goupilles. Je pense que on en discutait avant la partie de ce soir. C'est une option, ce n'est plus une Ce ne option. sont que des exécutants. Voilà, mais C'est à un moment donné, il faut aussi se faire les serviteurs. vrai que tu te fais capturer par des goupilles, mais après, c'est un peu la logique. C'est aussi la logique narrative, dans le sens où les goupilles, en fait, elles sont super discrets. Donc, à un moment, ce truc, voilà, quand il faut capturer, enfin, voilà, c'est eux qu'on envoie, quoi. C'est clairement. Ah oui, C'était mais logique qu'ils envoient les goupilles c'est eux qu'on envoie pour pour faire ce infiltrer un truc-là. enclave, c'est Oui, eux c'est qu'on ça. envoie pour capturer, c'est eux qu'on envoie pour. Non, mais Oui. c'est. Ça, les enfants. Ça, les enfants, mon Dieu. Donc, c'est vrai, il y a l'histoire des enfants et enfin, ça contrebalance avec aussi le véhicule. Mais là, c'est pas parti pour que. Enfin, me rappeler mes souvenirs positifs avec les goupilles parce que ça. Il y a une petite série là Toi, il n'y en a pas beaucoup. qui est pas bienvenue. Voilà. S'il y avait un goupil qui aimait bien les gens et tout, comment il s'appelle? qui est universaliste, là, Crassus. Oui, c'est ça. Oui. C'est le planqué de la Non, roulotte? Non. non, ça c'est Vivevoix. Oui. Les deux goupilles que vous avez Oui, sauvées du lynchage. ah oui, c'est vrai. C'est Crassus et Crassus et Mylène. et pourpre. Et pourpre, autant pour moi. Bah pour moi, je pense que la pente, elle est tracée là. En effet, je sais pas jusqu'où Néné va y glisser, mais quand même bien parti pour aller encore plus au fond. En tant que joueuse, j'ai un petit peu peur. Du coup, est-ce que bah, si je suis la logique, enfin, je ne sais pas comment elle va pouvoir remonter la pente, mais j'ai peur que du coup, je fasse du non-jeu. Donc, je pense que je vais peut-être un moment essayer de trouver un truc un peu logique pour pas non plus être en rupture totale, parce que sinon, il n'y aura plus de jeu non Ouais, plus mais entre nous. oui, mais j'ai prévu de te dire quelque chose. C'est un spoil. J'ai prévu de te dire quelque chose. Ouais, qui pourrait Et jouer. le but, c'est qu'on puisse se trouver ce moment pour le faire, effectivement, où tu puisses être, toi, tu as assez accessible, enfin, de le prendre, et non pas de le prendre comme une mécanique, mais de le prendre effectivement quelque chose qui peut toucher une aînée au fond. Et je pense que Erin, elle a quelque chose qui peut toucher une aînée au fond. Donc peut-être que si tu la joues détachée et peut-être que si tu joues néné détaché, etc. Et, bah, tant mieux. Voilà, juste d'un point de vue un peu méta, j'ai peut-être quelque chose qui peut voilà, En tout peut-être cas, te renverser. Je ne sais pas auquel moment. en tant que joueuse, j'y ferai quand même attention parce que bah, le but, c'est pas non plus d'en arriver À bah, peine. plus rien du tout, quoi. Oui, oui. Sinon, au niveau de oui, du développement de l'aventure, C'est ça. ça risque de poser souci, Bon, quoi. sachant que d'un point de vue méta, et je dis ça sans rien spoiler, hein, mais à mon avis, le premier enjeu qu'il va y avoir à la séance suivante, c'est bah, on a la situation, Erin s'est fait capturer. Bon, même si, comme tu dis, tu as cassé le lien, Erin, c'est le personnage avec le qui tu as le plus d'antécédents, puisque en fait, déjà au début de la campagne, vous êtes censé vous connaître depuis Tout à fait. longtemps, faire. Être, je crois que c'était des alchimistes, c'est ça. Enfin voilà, c'était quand même une personne avec qui tu avais beaucoup partagé. Et là, en fait, bah en fait, c'est la personne avec qui tu as plus d'ancienneté se trouve bah, capturée par les écorcheurs. Donc finalement, tu vas avoir le questionnement de est-ce que j'y retourne Oui, c'est bien. pour essayer de sauver quoi. Je pense que enfin, Je pense. en mettant en position méta, je trouverai une façon d'y aller, mais ça ne sera pas sur l'émotionnel. Ouais. Ça sera pour Bon, des questions bien sûr. stratégiques, bah ouais, tu avais réussi quand même à avoir une position de leader avec les dissidents. Vivienne On va n'est dire, plus là. Enfin, vous êtes ouais, c'est ça, toutes donc les te deux dire qu'en fait, capturées. c'est le genre que tu veux que si Que s'ils sont récupéré plus par là, ouais, en effet, on risque de ça perdre mettait un mauvais le coup. moral des troupes, quoi. Donc, je pense Donc, que sur cette décision-là, qu'elle se prenne pas, bon, bah, ça va être décisif sur je pense, sur ton parcours, quoi. Sachant que moi, après, en tant que MJ, je suis tout à fait d'accord avec des options plus en négatif, c'est-à-dire avec le fait que tu changes de perso, pour moi c'est possible, hein, ou même avec le fait que la campagne s'arrête en partant du principe que, bah, que, voilà, que le perso, enfin, que, avec le perso, que le Que le personnage perso ne il est devenant plus arrivé, jouable parce que plus en patte ou quoi, que la campagne s'arrête. Hein. Je veux dire, c'est pas. On est. On peut. Voilà. Donc, toutes les options sont sur la table. Garder sur les mêmes persos, puis voir bah, comment ils évoluent avec la situation et tout. Changer un perso sur deux. Ou voire même arrêter la campagne si les circonstances font qu'on pense que c'est ça qui est le plus logique. Moi, je ne suis pas là pour pousser dans une direction ou Alors moi l'autre. je vais pousser dans le fait de continuer. Oui, si, autant le dire, on est dans le débrief aussi. Oui. Je me l'étais noté sur les conséquences que j'avais eues avec le décès de la femme oiseau. Je me dis que c'est un truc qui peut être jouable et qui serait intéressant, je pense, à développer. Si j'ai une rupture avec l'humanité, le fait que le dernier lien que j'avais eu un peu fort, c'était avec la femme Parce oiseau. qu'il y a le bébé, hein. Voilà, il y a non seulement celui-là, mais t'as un corax. Ouais, Et en donc, fait, ouais, c'est ouais, ça. je me Donc, ça peut dis, te le rappeler fait de les la femmes oiseaux. communication avec des personnes en fait métamorphosées, des personnes animaux, serait peut-être la manière de me raccrocher, en fait, et d'être en communication avec les autres, mais que par ce biais-là. Et je pense, pour ceux qui suivent le débrief sur plusieurs épisodes, que le fait que Néné ait sacrifié Blaze, le fait de récupérer le bébé de la Strige, est un moyen de te racheter. Donc tu peux dire, je suis totalement blasé, j'ai fermé les écoutilles, j'ai pas de sentiments, c'est faux. Oui, oui, c'est un faux. Le fait aussi que, j'ai été à ses côtés. Après, si Erid meurt et si le bébé Strige meurt, ça, effectivement, c'est fini de Néné. Là. Après, je me sens pas. Néné se sent pas coupable vis-à-vis de la femme oiseau. On était côte à côte. Je me voyais pas responsable d'elle. Non, par contre, tu peux te trouver responsable de son bébé. Voilà, je me dis par contre, un peu en hommage, parce que je trouvais que ce qu'elle a fait, c'était admirable. En effet, il y a ce lien. Et comme j'ai comme Néné a quand même des pouvoirs télépathiques, je me dis qu'il peut y avoir ce lien, cette connexion de réussir à mieux comprendre finalement les hommes animaux. Et donc, par ce biais-là, finalement, toi, Erin, sous ta forme correcte. Yes. Je crois qu'on est pas mal, là. On arrête là. Voilà, à la suite, prochaines aventures, toujours plus chocolatées.